Un homme de Kuaiki, nommé Tao Shiliang, passant un jour, avec Chang Shiting, devant le temple appelé Tachense, c'est-à-dire le temple de la grande bonté, vit, sur l'étalage d'un marchand de poissons, plusieurs milliers de ces petites anguilles qu'on nomme Shenyu. Il eut le désir de les acheter pour les mettre en liberté et leur sauver la vie. Mes moyens, dit-il à Chang, ne me permettent pas de faire seul cette bonne œuvre. Voudriez-vous vous charger de quêter auprès des personnes qui nous entourent? De cette manière, il sera facile d'y réussir. Chang consentit à sa demande. Sur le champ, Tao offrit le premier une once d'argent. Les assistants suivirent son exemple, et la collecte qu'il fit parmi eux se monta promptement à 8 onces. Ils achetèrent les poissons et les jetèrent dans les fossés remplis d'eau qui entouraient la ville. L'automne suivante, Tao vit en songe un esprit qui lui dit « Dans l'origine, vous ne deviez pas obtenir de grade littéraire. Mais en sauvant des animaux destinés à périr, vous avez acquis de grands mérites. Dans peu de temps vous obtiendrez un grade élevé. » Il obtint en effet le grade de Kyujin licencié. Quoique j'ai eu cette bonne intention, s'écria Tao en riant, j'ai eu besoin que mon ami Chang Shiting fît une quête pour compléter la somme nécessaire. Pourquoi en recueillais-je seul tout le fruit? Quelques jours après, en parcourant la liste des étudiants qui avaient réussi au concours de la province de Nanking, il vit que Chang Shiting avait obtenu comme lui le grade de licencié. La femme d'un militaire nommé Fan était attaquée de consomption et se trouvait à l'article de la mort. Un Taoïste lui donna une recette qui consistait à nourrir son passereau avec du riz mêlé de certains médicaments pendant un espace de 3 à 7 jours. Puis, au bout de ce temps, on devait prendre leur cervelle et la faire avaler à la personne malade. Fan acheta aussitôt son passereau et les nourrit pendant plusieurs jours de la manière prescrite. Un jour qu'un de ses chefs l'avait envoyé faire une commission, sa femme dit en soupirant, à la vue des passereaux. « Faut-il que, pour obtenir ma guérison, on tue sans être vivant. J'aime mieux mourir que de souffrir qu'on leur fasse du mal. » À ces mots, elle ouvrit la cage et mit tous les passereaux en liberté. À son retour, Fan entra en colère, et adressa de vives reproches à sa femme, qui n'eut point lieu de se repentir de ce qu'elle avait fait. Quelque temps après, sa maladie se guérit d'elle-même. Ce n'est pas tout. Elle mit au monde un fils, qui portait sur les deux mains des marques noires, qui avaient la forme et la couleur des passereaux. Yang Piao, qui vivait sous la dynastie des Han, sauva la vie à un petit oiseau jaune, qui lui apporta dans son bec une paire de bracelets de jade, pour lui témoigner sa reconnaissance. Pendant 4 générations, ses fils et ses petits-fils furent élevés à la dignité de San Kong. Yang Piao eut un fils, nommé Qin, qui remplit la charge de Taiwei, sous le règne de Ming Ti. Ping, fils de Qin, obtint la même dignité sous le règne de Houti. C, fils de Ping, fut élevé au rang de Setu, sous le règne de Anti. Piu, fils de C, succéda aux fonctions de son père sous le règne de l'empereur Lingti. Song Qiao, qui vivait sous la dynastie des Song, ayant un jour tressé de petits roseaux pour faire passer un ruisseau à des fourmis, obtint le grade de Kuang Yuan. Sous la dynastie des Yuan, vivait un homme de Taiyu, nommé Qin Wenpiao, qui, avec toute sa famille, mettait en liberté les animaux destinés à périr. Il échappa à la peste. On voit, dit le commentateur, que ceux qui montrent de l'humanité pour les animaux reçoivent tous la récompense du bien qu'ils ont fait. Sun Tzu-chen disait, laissez toujours du riz pour les rats. Par pitié pour les papillons, n'allumez pas de lampe. Les livres de FO disent, les hommes qui ne tuent point les êtres vivants obtiennent en récompense une longue vie. Empêchez sévèrement vos enfants de prendre pour leur amusement des mouches, des papillons ou les petits des oiseaux. Non seulement cette conduite peut blesser des êtres vivants, mais elle allume encore dans leur jeune cœur l'instinct de la cruauté et du meurtre, de sorte que, devenus grands, ils se montrent inaccessibles à tout sentiment d'humanité. Soit qu'on marche, soit qu'on s'arrête, que l'on soit assis ou couché, si l'on voit des animaux qui vont périr, il faut songer à leur bien-être, les délivrer et tâcher de leur conserver la vie. Dans la flamme de la lampe ou de la chandelle, il y a de petits animaux qui se nourrissent de la lumière. Si vous les soufflez avec la bouche, ils suivent votre souffle et meurent à l'instant. C'est pourquoi les livres de FO défendent aux hommes d'éteindre la lampe ou la chandelle avec le souffle de la bouche. Il y a dans l'eau de petits animaux que l'homme ne peut apercevoir. Avant de boire de l'eau, il faut avoir soin de la passer dans un filtre. Si les saints hommes ont montré tant de bonté et de sollicitude pour conserver la vie à des êtres aussi petits et aussi faibles, à plus forte raison, devons-nous la conserver aux volatiles et aux quadrupèdes. Pratiquez la droiture et la piété filiale, ayez de l'affection pour vos frères cadets et du respect pour vos aînés. Commentaire. Chong 1. La droiture consiste à épuiser notre cœur. Pour cela, il n'est pas nécessaire de braver des dangers ou de mourir en accomplissant son devoir. Ainsi, que le magistrat serve son prince avec zèle et obéisse avec respect aux ordres de ses supérieurs, que le capitaine suive respectueusement la volonté de son général, que l'esclave, le domestique, s'acquittent fidèlement du service qu'exige leur maître. Ils doivent employer tous leurs efforts pour épuiser leur cœur et se garder de tromper en quoi que ce soit. C'est pour cela qu'on les appelle Chong, un homme droit. On voit, dans l'histoire, un grand nombre de fonctionnaires publics et de simples particuliers qui ont mérité ce titre. Histoire y avait, sous la dynastie des Han, un homme nommé Li Shen, qui était domestique de Liyuan, du département de Nanyangfu. Toute la famille de Liyuan était morte de la peste. Il ne restait plus qu'un neveu, nommé Su, qui n'avait pas encore atteint un an accompli. Comme la fortune dont il devait hériter s'élevait à 10 000 onces d'argent, tous les domestiques résolurent de le tuer, pour partager entre eux ses richesses. Li Shen ayant été instruit de ce dessein, fut pénétré de la plus vive douleur, mais, n'ayant pas la force de retenir tous les autres domestiques, il prit Su dans ses bras, et alla se cacher avec lui sur une montagne. Il le nourrit et l'éleva lui-même. Il se mettait à genoux devant lui toutes les fois qu'il voulait lui parler. Quand Su eut atteint l'âge de 10 ans, il quitta avec lui la montagne, et le conduisit au préfet du district, pour lui faire obtenir justice. Celui-ci, qui se nommait Chong Li, fit arrêter tous les coupables, et les condamna à la peine capitale. Ce n'est pas tout. Il présenta à l'empereur un placet dans lequel il peignit la droiture de Li Shen, et son dévouement pour sauver les jours de son maître. L'empereur Kuangvuti fit venir Li Shen et Li Su, et leur donna une charge dans la maison de son fils aîné, qui devait lui succéder. Quelque temps après, il nomma Li Shen gouverneur de Jina. Comme le chemin que suivait Li Shen, pour se rendre à sa destination, traversait le département de Nanyangfu, il alla visiter le tombeau de Liyuan. Il se dépouilla de ses habits de cour, enleva avec une bêche les herbes qui le couvraient, et prépara des mets dont il fit une offrande funèbre en disant, « Mon maître, C'est votre serviteur Li Shen qui rend ses devoirs à votre cendre. Il pleura pendant plusieurs jours sur le tombeau de son maître et s'en alla. Ce Li Shen n'était qu'un domestique qui avait été élevé dans la maison où il servait. S'il a pu, cependant, épuiser ainsi la droiture et montrer une telle reconnaissance envers son maître, que ne doivent pas faire les hommes qui occupent des charges et reçoivent de riches traitements, ceux qui sont placés au-dessus du peuple et de l'armée, et qui, par l'élévation de leur rang, sont appelés à donner l'exemple de toutes les vertus sociales. Commentaire. Yao 2. La piété filiale consiste à servir ses parents de toutes ses forces et dans la sincérité de son cœur. Il n'est pas nécessaire, comme certains fils que cite l'histoire, de se couper la cuisse ou de se percer le foie pour montrer de la piété filiale. Si l'on nourrit ses parents pendant leur vie, si l'on fait leurs obsèques quand ils sont morts, si on leur offre des sacrifices funèbres, il faut accomplir tous les rites avec un cœur vrai et sincère. On ne doit pas se contenter de ces vaines démonstrations auxquelles le cœur reste étranger. Si vos parents sont bons et tendres pour vous, il est juste de leur témoigner de la piété filiale. Mais si votre père et votre mère sont dépourvus de bonté et de tendresse, c'est le comble de la piété filiale que les servir avec obéissance et avec respect. Un enfant d'une maison noble et opulente peut facilement pratiquer la piété filiale, mais lorsqu'un enfant, né de parents pauvres, peut épuiser toutes ses forces pour leur témoigner sa soumission et son dévouement, il fait preuve d'une piété filiale plus pure et plus vraie. Histoire. Un homme de Wuxin, nommé Yang Qi, demandait l'aumône pour nourrir son père et sa mère. Quand il avait obtenu du riz cru, il le faisait cuire lui-même et commençait par l'offrir à son père et à sa mère. S'il avait obtenu du riz cuit, eût-il été tourmenté par la faim, il n'osait le goûter avant ses parents. Lorsqu'on lui avait donné du vin, il se mettait à genoux pour le présenter à ses parents. Il chantait des chansons de montagnard pour égayer son père et sa mère. Un homme de son village, voyant sa piété filiale, voulut un jour le louer pour travailler à la journée. Yang Yi lui répondit : comment pourrais-je un seul jour abandonner mon père et ma mère ? Il persévéra ainsi pendant 20 ans. Son père et sa mère étant morts dans un âge avancé, il demanda l'aumône pour le procurer un cercueil et ôta les habits déchirés qu'il portait pour les ensevelir. Il passait la nuit à moitié nu à côté de leur tombe et ne cessait de pleurer du matin au soir et du soir au matin. Pendant toute sa vie, il leur offrit sans interruption des sacrifices funèbres. Observation. Si Yang Yi n'était qu'un pauvre homme, réduit à vivre d'aumône, et cependant il a pu épuiser ses forces pour accomplir tous les devoirs de la piété filiale. Que ne doivent pas faire les enfants qui appartiennent à des familles nobles et opulentes, et ceux qui ont de quoi se procurer une existence aisée. Un fils, né de parents riches, offre à ses parents tout ce dont ils ont besoin, sans s'inquiéter s'il manquera lui-même d'habits ou de vêtements. Un fils doit se plier et se conformer entièrement aux désirs de son père et de sa mère. S'il a un père et une mère dépourvus de tendresse pour lui, il doit également obéir avec docilité à tous leurs ordres, sans redouter les difficultés ou les obstacles qu'il pourra rencontrer dans l'accomplissement de ses devoirs. En se conduisant de la sorte, il n'y a personne qui ne puisse se distinguer par sa piété filiale. Un habitant de la capitale, nommé Chao Qiuxian, avait un père âgé de 91 ans et une mère âgée de 94 ans, qui étaient tous deux d'un caractère rigide et emporté. Qiuxian et sa femme les servaient avec un soin et une attention infatigables. Chaque nuit ils brûlaient des parfums et priaient pour la conservation de leurs jours et de leur santé. Les trois esprits qui habitent au-dedans de l'homme, et qu'on appelle Sanchi, montèrent au palais du ciel pour exposer leur conduite vertueuse. Le Dieu suprême envoya auprès d'eux le grand esprit appelé Feiyitien Tachin, qui, les ayant observés chaque jour, vit que toutes les pensées de leur cœur étaient uniquement appliquées à la pratique de la piété filiale. Le Maître du ciel leur donna 7 enfants et 3 gendres, qui tous obtinrent des fonctions éminentes. Qiusien, lui-même, fut élevé au rang des immortels. Voilà les personnes qu'il faut imiter, quand on sert un père et une mère d'un caractère difficile et emporté. Sui Yong était doué d'une grande piété filiale, mais il était réduit à une extrême pauvreté. Il logeait dans une hôtellerie située sur les bords de la mer. Un jour il eut un songe, et informa le maître de la maison que son père était dangereusement malade. Il s'en retourna chez lui en toute hâte. Comme il passait pendant une nuit sur une montagne, il rencontra un tigre au milieu du chemin. « Je reviens en toute hâte, » dit Yong, « pour aller soigner mon père qui est dangereusement malade. Quand je devrais être déchiré par le tigre, je marcherai sans crainte. » Le tigre se retourna en arrière, baissa la queue et s'en alla. Yong étant arrivé dans sa maison, il trouva son père dans un tel accablement qu'il était presque privé de connaissance. Mais, à la vue de son fils, il reprit l'usage de ses sens et lui dit « Mon enfant, n'avez-vous pas rencontré sur votre chemin un énorme tigre ? Tout à l'heure je rêvais qu'étant allé à l'audience d'un magistrat, je vis un homme, vêtu de rouge, qui me dit « Il était dans votre destinée de mourir bientôt, mais la rare piété de votre fils est parvenue jusqu'au ciel, et, tout à l'heure, un tigre qui se trouvait à sa rencontre s'est détourné de lui, et n'a pas osé lui faire du mal. » À dater d'aujourd'hui, le ciel prolonge votre vie de 12 ans. Voilà l'exemple que doivent imiter ceux dont les pères et mères sont pauvres et malades. Wang Xiang se fit remarquer par sa soumission et sa piété envers sa belle-mère. Wang Lan, fils de celle belle-mère, ordonnait à sa propre femme de servir Wang Xiang comme s'il eût été son époux. Quand la belle-mère ordonnait à Wang Xiang de faire une chose, Wang Lan ne manquait jamais d'aller aider son frère aîné. Aussi la plus parfaite harmonie régnait entre eux. Les gens du monde connaissaient seulement la piété filiale de Wang Xiang, et ils ignoraient que Wang Lan aida son frère aîné à accomplir les devoirs de cette piété filiale. Dans la suite, les descendants de Wang Xiang et de Wang Lan furent élevés pendant 9 générations successives au rang de ministres d'État. Voilà l'exemple que doivent imiter les enfants qui ont une belle mère. Il y a beaucoup de manières de faire le bien, mais il n'en est aucune qui doivent passer avant la droiture et la piété filiale. Commentaire. L'amour du frère aîné pour son frère cadet s'appelle Yu 3. Le frère aîné et le frère cadet ont reçu la vie du même père et de la même mère, ils sont comme 2 rameaux d'un même arbre. Leurs affections doivent être aussi intimes que les rapports qui existent entre les mains et les pieds. Aimer son frère cadet, c'est témoigner la plus haute estime pour son père et sa mère. Histoire sous la dynastie des Song. Un homme du pays de Changlo, aïeul de Qing Chaoxian, avait un frère cadet qui fut condamné à mort pour crime d'homicide. Cet homme fut touché de compassion et de douleur. « Mon jeune frère, dit-il, n'a pas encore d'enfant, et moi j'ai déjà plusieurs fils. Il est juste que je meure à sa place. » Sur le champ, il alla trouver le juge, s'accusa lui-même d'avoir commis l'homicide, et lui sauva ainsi la vie. Dans la suite, cet homme ayant perdu sa mère, il rencontra un personnage doué d'une puissance surnaturelle, qui lui montra une sépulture réservée aux personnes illustres. Après qu'il eut rendu les derniers devoirs à sa mère, il eut un petit-fils nommé Chao Xian, qui obtint une magistrature élevée, et procura la paix et le bonheur au peuple qui lui était confié. Voilà un homme qui a véritablement aimé son frère cadet, pour lequel il n'a pas craint de s'exposer à la mort. Cet exemple ne devrait-il pas faire mourir de honte les frères, que les liens de la chair et du sang n'empêchent pas de se déchirer les uns les autres? Commentaire. Le moti, 4, exprime le respect des frères cadets pour leur frère aîné. On dit communément, un frère aîné est comme un père, une sœur aînée est comme une mère. En effet, nos parents se reposent sur nos frères et nos sœurs aînés, et leur confient la direction de la maison. Si nous leur manquons de respect, c'est manquer de respect envers notre père et notre mère. Histoire de Chao Yen. Xiao avait un frère nommé Yan Yu, qui avait le goût du plaisir et de la dissipation, et qui avait consumé follement la moitié de son patrimoine. Yan Yu fut sourd aux remontrances pressantes de son frère, et demanda à partager le reste de l'héritage. Au bout de 5 ans, le frère aîné avait encore dissipé la portion qui lui était échue. Le dernier soir de l'année, Yan Xiao prépara une collation et invita son frère aîné. Votre frère cadet, lui dit-il, n'a point l'intention de vivre ailleurs qu'avec vous. Mais comme mon frère aîné n'a pas su user d'économie, je lui tiens en réserve la moitié du patrimoine qui forme tout mon héritage. Elle lui suffira pour vivre dans l'aisance. Je prie mon frère aîné de revenir à la maison et de se charger, comme auparavant, de la direction de toutes les affaires domestiques. En disant ces mots, il prit le contrat de pariage et le jeta au feu, et remit ensuite à son frère toutes les clés et les cadenas. Ce n'est pas tout. Il employa l'argent qu'il avait amassé à acquitter les dettes et les obligations de son frère. L'année suivante, Yan Xiao et son fils obtinrent tous deux le grade de licencié dans le concours de leur province. Voilà un homme qui a montré un grand respect pour son frère aîné, et qui lui a donné de bon cœur ses propres richesses. Cet exemple ne devrait-il pas faire mourir de confusion les frères d'aujourd'hui pour qui l'héritage de leurs parents est un sujet continuel de dissension et de procès? Rectifiez votre cœur, afin de convertir les autres. Commentaire. L'expression chinki, se rectifier soi-même, signifie que nous ne devons agir qu'après avoir rectifié notre propre cœur. L'expression wajin, convertir les hommes, veut dire que les hommes, nous voyant tenir une conduite droite et régulière, sont tous touchés de notre exemple, se convertissent et reviennent à ce qui est droit, c'est-à-dire au bien. Jamais il n'y a eu d'homme qui, n'étant pas droit lui-même, ait pu apprendre aux autres à devenir droit. Histoire. Sima Quang, qui vivait sous la dynastie des Song, habitait la ville de Luoyang. Il se rectifiait lui-même, pour donner l'exemple aux autres, et réussit à changer les mœurs publiques et à les tourner au bien. Lorsque, dans le village, un père faisait des remontrances à ses enfants, il ne manquait pas de leur dire « Ne faites pas de mauvaises actions, de peur que Sima Quang ne vienne à le savoir. » Voilà ce que nous entendons en disant que lorsqu'on se rectifie soi-même, les autres hommes se convertissent et imitent les bonnes actions dont on leur donne l'exemple. Qin Yachang, qui vivait sous la dynastie des Ming, se rendait un jour à la capitale pour assister au concours général et obtenir le grade de docteur. Il rencontra une bande de voleurs qui montèrent sur son bateau pour le piller. Yan Chang, qui se trouvait à l'extrémité du bateau, leur cria : Mes effets et mes bagages sont ici. Vous pouvez venir les prendre. » Ces voleurs lui ayant demandé qui il était, il répondit : « Je suis Chinya Chang. » Seigneur, s'écrièrent tous les voleurs d'une voix émue, nous sommes venus vous troubler, sans savoir que ce fut vous. Les hommes qui sont avec vous sur ce bateau sont sans doute les compagnons et les amis de votre excellence. Nous n'osons toucher à leurs effets ni aux vôtres. Ils le saluèrent et se retirèrent en lui faisant leurs excuses. Wang Shanchai, du pays de Hailing, avait accompagné son maître Wang Yangming et discourait avec lui sur la vertu native. Un jour, des voleurs ayant envahi sa maison, Shanchai se mit à leur parler de la vertu native. « Quelle vertu native, répondirent-ils, peut exister encore chez nous, qui exerçons le métier de voleur ?» Tirekedrata en naissant, leur dit Shanchai, chaque homme a reçu du ciel cette vertu native. Seulement, tous ne savent pas la reconnaître et la suivre. En quoi consiste cette vertu native? Reprirent les voleurs. Ayant, dit Shanchai, ôtez tous vos habits, et cette vertu native éclatera d'elle-même. À ces mots, tous les voleurs ôtèrent les vêtements qui couvraient la partie supérieure de leur corps, mais pas un seul d'entre eux n'ôta son caleçon. Voilà, s'écria Shanchai, en quoi consiste la vertu native. Si vous n'avez pas ôté vos caleçons, c'est que vous avez été retenu par un sentiment de honte. Toutes les fois qu'un homme fait une mauvaise action, c'est qu'il a oublié ce sentiment de honte. Puisque vous savez rougir de ce qui est mal, vous avez encore cette vertu native dont nous parlons. Les voleurs furent touchés et ouvrirent leur cœur au bien. Ils saluèrent l'un après l'autre Wang Shanchai et se retirèrent. Il n'y a pas d'homme au monde plus endurci que les voleurs et plus difficile à convertir au bien. Cependant, après avoir entendu prononcer le nom de Yan Chang et écouté les paroles de Shanchai, des voleurs ont pu ouvrir leur cœur au bien et se convertir. On voit par ces exemples qu'on ne doit jamais manquer de se rectifier soi-même.